Les bienveillants vont santé présente Cerisy, mais quand même. Une composition sonore, polyphonique et circonstancielle de Jules Macoison, d'après les enregistrements d'ambiance du colloque de Cerisy, l'enchantement qui revient. Du 6 au 13 juillet 2021. Mais quand même. Pour son projet, il devait réaliser des images d'archives, des fausses images d'archives, empruntées de l'architecture pour pouvoir l'évoquer. Droite, gauche. Ils ont travaillé sur aussi une bande son qui fait partie du roman. Qui est aussi, on peut écouter. Cerisy. Mais quand même. Quelque chose qui est inamovible. Cerisy. Je sais bien. Mais quand même. Cerisy. Mais quand même. Commence mon exposé. C'est un exemple qui est celle-ci. Que veut dire ? Mais il repose. Breveté, si je veux dire. Enfin... C'est même pas breveté, c'est que c'est protégé. Oui, protégé. Cerisy, mais quand même, cette Edith, c'est une mémoire vivante de toute les écoles de pensée intellectuelle française, peut-être internationale, depuis 50, 60 ans, je ne sais pas, des figures hallucinantes. Aussi bien dans le monde de la poésie, avec Francis Ponge, que dans le monde de la philosophie, avec des gens comme Gilles Deleuze, il y a Descartes, tout ça, il y a Foucault, c'est juste incroyable. Je m'arrête là. Calme-toi. Commencez par vous redire l'immense plaisir que nous avons tous les quatre, Rachel Brahi, Nathalie Zakaï, Jean-Paul Thibault, et moi, Nicolas Tissier, de vous accueillir dans ce colloque, mais d'être accueilli à Cerisy par Edith et l'ensemble de l'équipe qui va œuvrer à cette semaine qu'on va vivre ensemble. À moi ? Oui, sur le canapé, là, vous ne pouvez pas rester derrière. Je ne peux pas résister à des bras qui se tendent. Et encore, là, le monsieur, là-bas. L'immense plaisir que ce colloque sur l'enchantement qui revient soit en présence d'Yves Vinquin. Ça marche. Merci d'éteindre votre téléphone. Merci d'être là en fait, pour, alors, je ne sais pas comment il faut appeler cet événement, c'est un concert performance, concert musical, chanter, parler, raconter, donc là ça sera vraiment une expérience auquel on va assister ce soir, sachant qu'il y a aussi pas mal de parties improvisées, voilà, donc on va assister à fait à une nouvelle expérience. Bonsoir Cerisy, c'est bien, on a blindé la salle. Bon, déjà, je suis ravi d'être là, parce que bon, le lieu est splendide. On va tenter quelque chose qu'on n'a jamais fait jusqu'ici. On va avoir des textes nouveaux, on va avoir des textes enchantés. Et surtout, vous ne savez peut-être pas, parce que vous n'êtes peut-être pas des performeurs sur scène, mais il n'y a rien de plus difficile que de jouer devant une salle où les gens sont extrêmement proches, en lumière naturelle. Mais justement, c'est bien, ça donne quelque chose qui va être plus rock, plus direct, plus brut. Simplement, moi je le veux ce concert, en tout cas je l'ai imaginé comme un parcours d'enchantement. Voilà. On va passer par différentes modalités, différentes visions de l'enchantement possible, l'enchantement par le son, l'enchantement urbain, l'enchantement épique, etc. Parce que finalement, en réfléchissant à cette soirée, je me suis dit, mais on va circuler comme ça, on va voyager à travers tout ça. Alors pour ouvrir, quand on ouvre le concert, je pars par le jardin, je suis là. Là, on tourne et élargir au maximum. Détirer, c'est ce qu'il faut faire. C'est pas facile parce qu'on le dit depuis le début. On démarre par l'enchantement de l'espace. Changement d'ambiance. C'est quoi cette porte? Ah là, aux douches, de où? Je connaissais pas. Je crois qu'il y a des choses. Alors oui, c'est le petit interrupteur qui est derrière. Je ne voudrais pas que ma présence te déconcentre. Hein. Non, il n'y a aucun souci. Aucun souci. Thank you. pas facile, hein? Non. Tu t'en sors bien. Et me font résonner. Mais on sent l'énergie qui traverse cette délicatesse. La nuit même, il parle de ça. Ils sont allés dans les endroits secrets. Et ça, ça va où? Ah, je la connaissais pas celle-là. C'est quoi? Oh, on aurait pu venir là. Ben oui. Pour se faire mal que le matin. Change. Elles sont toutes là, non? Monsieur Chagall ? C'est charmant. Tout à fait charmant. Je comprends où mène cette porte que je n'ai pas osé ouvrir de toute la semaine. Je première chose que ça m'évoque, ça semble dire, bon bah, comment on compose avec les choses qui sont là, qui sont... et qui, d'une certaine manière, moi c'est comme ça que je l'entends, quoi. Sachant qu'on ne pourra pas les... Voilà, on doit faire avec. Et donc, évidemment, on a l'impression que poser cette question-là, c'est s'engager dans une manière de reprendre la main sur quelque chose que d'abord on subit complètement. Sur une série de choses qu'on a nous-mêmes produites, hein, pour une part, hein, mais qu'il y a... Il y a une perte de maîtrise, quoi, une perte de contrôle. Et j'ai l'impression que la question que vous posez, ou que tu poses, elle suppose le brouillage de ça. Et peut-être c'est la question qui se pose, suppose la fin de ce fantasme. Et de comment on fait pour penser et pour agir dans ces conditions. J'ai le sentiment qu'au fond, et à suspendre aussi la question de qu'est-ce qu'il faut faire. C'est ça, retourner, enfin, se débarrasser de la logique de l'impératif et faire avec, ça veut dire aussi, mais qu'est-ce que je veux vivre avec eux? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre avec eux? Vendredi après-midi à la pause, le long de l'écurie, au loin, des voix. Le petit pont entre l'étang et la rivière. La même chose avec un micro indépendant. Et avec deux micros libres. Alors, Cerisier, mais quand même, je suis d'accord avec toi. Mmh. C'est-à-dire, on est là pour une chose, mais qu'on multiplie. on multiplie dans toutes nos formes et nos manières d'être ici. Mais aussi on à la fois dans sa dimension spatiale en fait, avec tout ce qu'il y a en fait ici et dans cette espèce d'agrégat de bâtiments qui ont une fonction bien précise mais qui a été retourné en fait pour en devenir une autre. Et puis des choses que tu picores comme ça à gauche et à droite, comme des framboises là-bas au fond du jardin. En plus j'ai vu un écureuil par ici. Expédition Mangolia, je crois. Du côté de la Rose de Brême. L'expédition Mangolia, c'est ça, hein? Vous n'êtes que 6, il faut au moins 7, non? C'est des chiffres impairs. Et je vais diviser, comme toujours, en 3, quoi. Vous faites tous ça, hein? En 4, ça va pas, il faut que ce soit en 3, en 5 ou en 7. Donc, 1, des confirmations. 2, des surprises. Et 3. On va regarder ça, hein, c'est très bien. Mais ça peut l'aider à. Parce que j'ai compris que vous voulez qu'il vive cet arbre. J'ai deux arbres que j'aime. Celui-là, c'est quand même notre magnolia. C'est le même que celui qu'on va soigner. Hein. Il n'a pas du tout cet état. Il n'a pas dit un arbre qui pique. Ça me rappelle les épines que j'ai vues dans un film, il me semble. Non? C'est la magicienne marocaine. Qui choisissait, qui triait, qui travaillait avec les épines aussi bien pour les cueillir que pour en faire quelque chose sur les abcès. Mmh. Parce qu'en fait, ça relève de l'acupuncture. Ouais. Voilà. Et alors, tu les as mis, ils sont en carré. Donc en fait, ça forme un carré. Un carré. Voilà, c'est une maladie. Okay. Ce qui est quand même, issu de principes de géométrie. Pardon. Géométrie sacrée. Putain, c'est clair. Le carré, c'est une figure extrêmement forte. J'essaie de suivre les équilibres, ne pas perturber. Ma lecture, c'est que il a grandi comme ça, voilà, pour faire avec, comme dirait Psyton. Mmh. Et moi, mon hypothèse, ça serait que cet arbre, il a aussi été pris dans ces mouvements d'énergie-là qui sont en train de... Voilà. Portée d'intention, c'est-à-dire c'est un geste très simple. Voilà, vous avez votre intention pour vous. Vous laissez l'eau passer sur la pierre. Et voilà, ça va apporter une information en plus ici. Qu'est-ce qu'il faut? De l'eau ordinaire ou du champagne? Calva. Calva, c'est ça. C'est que l'énergie s'élève. C'est-à-dire il y a vraiment... si on va en dehors du carré, on va retrouver tout d'un coup une sorte de gravité, quelque chose de très terrestre. Ben voilà, ça c'était le moment d'enchantement du colloque pour moi. Mais il faut quand même qu'on se dise quelle est la part rituelle de l'opération d'enchantement. Est-ce que les ingénieurs sont des sorciers? Alors. Bon, ce récit maintenant. Ce récit, mais quand même. Est composé dans le Prater. Recommence. Allez. Ce récit, mais quand même. Ce récit composé de différents rapports de scientifiques. Mais quand même. On y retrouve la même vivacité d'esprit. Les traits d'humour loufoques, la capacité d'invention, la grâce inimitable. Vraiment, des moments de coagulation de pensée, quoi, où tu as l'impression qu'il y a des choses qui ont émergé là. Ce moment où en fait on pensait que la pensée c'était lié à des conversations. Tu m'en diras des nouvelles. Et qu'il fallait se donner le temps, la conversation, l'échange, tu vois, où on prend du chemin de traverse et puis on, en discutant ensemble. Je vais essayer aussi, et n'en soyez pas vexés, de ne citer personne, pour ne oublier personne. Nathalie Annette. Alors, Jean-Paul Thibault, je suis... mon nom est Rachel Brahi, et donc je suis... Et donc moi, je suis Nicolas Tixier, je suis... Des voix. Vassal Després, voilà, je suis... Je suis Philippe Livneau, je suis Denis Sochaux, je suis là en éditeur. Bonsoir, je m'appelle Luca Patroni, je suis... Alors, je suis Patrick Romieux. Je suis Emmanuel Lallemand, je suis... C'est Jeunesse Moreno, je suis... Bonsoir, c'est Chantal Thiembule-Baudouin. Et puis je suis... Bonsoir à tous, moi je m'appelle Virginie Millot, donc je suis... Je m'appelle Colette Camin, je suis... Sylvain Allemand, j'ai franchi les grilles de Cerisy pour la première fois en 99. Je m'appelle Denis Vidal, je suis... Alors, je suis Fabrice Clément, j'ai aussi assisté à ce colloque, participé à cet opéra. Je m'appelle Olivier Lapoussière. Je suis Nord-Allemagne, je suis... Moi je m'appelle Véronique Servet. Mon nom est Jean-Michel Baudouin, j'interviens demain après-midi. Alors, moi je m'appelle Axel Thomas. Donc moi je suis venu la première fois à Cerisy en 1962. Je suis Pascal Michelière. Oui. Vous pouvez vous lever parce qu'on ne vous voit pas. Bonsoir. Oui. Je suis Marc Lénars. Je suis Paul Maille. Je prépare un... Bonsoir, Sébastien de Berta. Donc je suis... voilà, je travaille sur l'écoute. Et secrétaire technique. Voilà. Ah oui, ouais. Et c'est moi qui serai chargé d'appuyer sur le bouton enregistrement lors des conférences. Je m'appelle Anna-Lydia Marchioni. Bonsoir, Vincent Bala, je suis... Attendez, on ne vous entend pas très bien. Je m'appelle Anna Bissaray, je suis... Lucas Pidéou. Avec Finish, je suis Laurent Guénard. Je m'appelle Alexandre Choquet. Je suis... Bonsoir, Laurent Valdez. Alors moi, je m'appelle Mathieu Cavin. Robin Sissoy, je suis... Céline Seiber, je viens de l'Allemagne, je suis venue très très souvent à celui-ci. Je suis Patrick Corbillon. Je suis Dominique Rondo et Romain Lavoudéa, donc moi je suis au camp. Nada. Je suis la cheminée. Nada, je suis ravie de vous rencontrer tous. Voilà, vous avez vu le lien entre... Des adultes racontent qu'est-ce qu'ils aiment dans leur vie. Et là, moi, ce que je trouve fabuleux, c'est ça, quoi. C'est que, du coup, ça nous offre un espace où on peut... Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, je travaille sur l'écoute. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, vous avez vu le lien entre... Avec ça, oui, mais on veut... Attends, est-ce que tu peux... Attends, oui. Bah attends. Attends. Et voilà, regarde. Bon. Oui, je vous ai fait, regarde, vous m'accrochez deux à la fois, du coup. Vous entendez depuis la chambre là-bas. Des rires et des rires. Elle est presque totalement immobile, ineffablement subtile. Le froissement d'une plume, le glissement d'une aile, le contact, le léger, faible et chaud contact de celui qui est à côté de vous. La peau du ballon. Le ballon. Bah. Il y a quoi à l'intérieur ? Donc, et j'enlève le masque une seconde quand même. Je suis Yves Winquin, je suis... Le matin, la pluie. Non. C'est marrant, je savais pas qu'il y avait toute cette technologie complète. C'est pour ça que c'est bon. Ça commence à marcher. Essaye avec ça. Essaye avec ça. Essaye avec ça. Dans les rêves. Oui, c'est le fait d'avoir un lien avec Cerisy, ça te cerisise aux yeux de l'éditeur et du coup tu peux faire des projets. Oui, c'est ça. Indépendamment de Cerisy. Voilà. C'est un lieu de parole. Un peu inondé de paroles. Oui. Ho sognato di dormire e a un certo punto sono tornata a dormire. Cercavo di svegliarmi, ma non si riusciva a dormire troppo sonno. Il cacciavo di il sole scalda e il vento fa veleggiare gli alberi del giardino. Ci sono dei cavalli in lontananza che corrono liberi e selvaggi. A un certo punto sento avvicinarsi della musica. La terrazza si riempie di persone che ballano e suonano strumenti. Si discute del noto di Johannes, si pronunciano lettere e cifre, si discute se la tarda sia registrata, ma lei dovrà dire che il grand rêve sonore di stare a casa mia e anzi dice che andrà a passare lui. Ecoute, quand tu es arrivé là, tu, donc, la voix c'était toi. Donc on s'est demandé si on, est-ce qu'on fait des rêves sonores. Eh ben oui. En cressant, oui. Oui, oui, moi je suis sûre. C'est des scènes de la vie, les rêves, enfin, donc tout y est. C'est peut-être un peu simplifié. J'ai eu accès à des extraits de carnets d'enchantement et à l'intégralité de la table des matières de chacun de ces carnets. Mais je veux la table des matières explicites, différentes. Et c'est ainsi que j'ai réalisé la semaine dernière que j'avais entre 600 et 800 séquences d'enchantement. On brade, c'est les soldes. C'était une chouette épreuve. Sœur ici, mais... À l'oreille, dans la foule, juste l'introduction. Dans la foule, si tu veux, mais à l'oreille. Hein. Ici, à l'oreille. Hein. Formel et informel. Ton installation, c'est super. C'est clair. Merci. Le pont des sourires. Ouais. On rit beaucoup. Sœur ici, mais quand même, une ouverture. Précision et une structure générative. Sœur ici, mais quand même. Si vous voulez bien, on va partir. Ça vous dit ? Oui. Ok, ça marche. Pourquoi ? Il marche dans la forêt. Il marche, il fait un pas. Il marche, il fait. Il fait. Mais au moment où il amorce son geste, parce qu'il ne savait pas qu'un serpent ça pouvait parler, mais un serpent qui chante c'est encore pire que tout. Et il marche, il fait un pas, il fait. Attention! Pourquoi? Les allumettes, chut! Les hommes qui tuent les serpents ne me noient pas. Moi, les autres serpents ne me noient pas. Ne me mangent pas. Ne me cuisent pas. pas, ne coupe pas, ne porte pas, ne me tue pas. Zin. Tu peux le refaire un coup? Oui, allez. Oui. Alors voilà, c'est ça, il s'est levé, il a marché, il a marché, il a marché, il a marché encore droit, droit, droit devant lui, il est allé jusqu'à l'océan. S'est agenouillé devant l'eau de l'océan, a mis ses mains en cou et il a bu toute l'eau de l'océan. Vous êtes super naïf pour les chercheurs. Tout cela pour vous dire que si vous croisez, rencontrez une bête, qu'elle soit toute petite, qu'elle soit grosse, qu'elle vous effraie ou pas, si elle ne vous a rien fait, vous ne lui faites Elle est presque totalement immobile. Ineffablement subtil. Le froissement d'une plume, le léger, faible et chaud contact. Au premier matin du monde, il n'y avait rien que... Je suis là. Voilà les ingénieurs de l'enchantement. Attention. Je suis enchanté. Voilà. Ah, c'est génial, vous êtes adorable. C'est génial. Qu'est-ce que tu en La nuit remue de Henri Michaux. La porte de la bibliothèque. C'est presque un studio enregistrement. Il est pas mal, hein, au niveau acoustique. Donc, c'est bien bon acoustique. Et moi, je suis réglé sur l'extérieur, conversation, donc un peu plus fort. En fait, depuis le début de la semaine que j'enregistre des sons, des ambiances, des gens qui parlent, des portes qui grincent, des parquets, des choses comme ça. Et j'ai discuté avec Edith qui m'a dit qu'il y avait déjà eu un reportage sonore sur Cerisy, mais il s'intéressait surtout aux ambiances. Oui. Donc à ce que j'avais en tête en arrivant. Tu vois. Oui. Et elle me disait, mais ça manque la matière des colloques. D'accord. Là je me dis, bon, comment est-ce que je peux réintroduire la matière des colloques dans ce que je vais devoir faire? Et là, je me suis dit, ben, je vais proposer un mini-protocole à plein de personnes pour ponctuer par des paroles. Et le protocole, c'est basé sur l'introduction de Yves Wincain le premier jour. Je sais bien. C'est cette fameuse phrase d'Octave Manoni sur le « je sais bien, mais quand même ». Mais quand même. Mais quand même. Je sais bien, mais quand même. Donc, reprendre la phrase et proposer de dire « Cerisy, mais quand même, virgule, compléter la phrase ». D'accord. Dans Cérésie, dans l'idée, c'est de dire Cérésie, dans Cérésie, enchantement, mais quand même... L'enchantement qui revient, mais l'enchantement, comme j'ai déjà dit à beaucoup de personnes maintenant, ça peut être incantesimo, incanto, incantamento. Avec des nuances? Oui, que incantesimo, c'est vraiment la magie. C'est les contes de fées, etc. Incantamento, c'est plutôt lo stupore. Quand tu es un peu comme ça. Non. Incanto, c'est encore autre chose, mais incantare, c'est bon, typiquement le disque vinyle qui se plante et fait. Non. Oui. Et donc, moi, je fais aller-retour avec un traducteur internet. Et bon, enfin, enchantement, incantesimo, enchantement, incantamento, enchantement, incanto, enchanté, come va? Oh, nice to meet you. No. C'est beau. Aussi, il a tout compris. Donc, Rachel, au début, dit que je suis maintenant. Et alors, moi, j'explique que dès que je dois rendre un formulaire en France, dans les formulaires, je mets né à Knock le zout. Et alors, ici. Et alors, à partir de là, tout ce que Rachel pouvait dire, c'était considéré comme drôle. Tu vois, parce qu'elle disait. C'est le truc du fou rire. Il y a même plus besoin de cause. Tout le monde rit de. Moi, je le sais. Mais c'est un moment très très drôle. Et alors après, c'est toujours compliqué, comme tu l'as fait ce matin, tu as super bien fait, parce que tu as vraiment fait un rire qui a vraiment ouvert, et puis on est vraiment rentré dans le fond. Et parfois, ça peut partir en vrille, hein, le rire. Les gens entendent juste quelque chose de vibratoire. Les gens entendent juste quelque chose de vibratoire. Et donc, c'est une citation d'une informaticienne qui a participé à un colloque il y a quelques années. Voilà. Et tu lui as demandé, on lui a demandé son avis sur Cerisy. Et voici sa réponse. Quelque chose m'a particulièrement frappé par rapport au colloque auquel j'ai l'habitude de participer. C'est le rire des participants, des rires authentiques qui expriment à l'évidence le plaisir d'être là, tout simplement au milieu d'autres personnes, qu'elles soient intervenantes ou simples auditrices, et de pouvoir échanger avec elles après les communications, pendant les repas qu'on prend ensemble. C'est quelque chose de proprement, comment dire ? Qu'est-ce qu'on gagne vraiment d'enchantement ? On gagne du plaisir. On gagne du plaisir à faire, ça c'est vraiment pas négligeable. Et qu'il y a une espèce d'alacrité liée au corps de cette notion d'enchantement, d'alacrité qui peut continuer à nous faire avancer. Bon, quand même. Bon. Hein? C'est d'alacrité. C'est super. Bon, quand même. Super. Quand même, voilà. Oui. Mais, quand même, il a tout. Quand même, comment on dit, il y a les fantômes. Entrez donc. Il y a les fantômes. Thank you. Ah oui. Tu peux. Cerisy, mais quand même, j'aurais aimé rencontrer quelques fantômes. Alors, Cerisy, mais quand même, c'est beaucoup de travail intellectuel, mais c'est aussi des repas copieux, des matchs de foot. Des rencontres avec des créatures étranges et diverses. Est-ce que ça veut dire que vous transportez du granit pour le Magnolia? Oui, il faudra. Sortir les pierres. هذه الخمر ولا تسقيني سرا اذا امكن الجهر. Donc en gros il lui disait tu as oublié de me dire tout ce qui se passe dans ce château, dans ces lieux, dans ces ambiances, puisque je le goûte, je le sens, je le vois, donc je fais fonctionner mes sens, mais il me manque le oui. Oui. Je cherche. Ah bah c'est toi que je cherche entre autres. C'est nous pour vous chercher. Bah là on n'est pas encore prêtes. Hein. Vous pouvez nous aider à. Oui. Bah, c'est ce que je suis en train de penser. Ah, Isabelle, c'est entre Yannick et tu. Isabelle, ah oui, super. Ah, oup. Ah oui, voilà, d'accord. Oh, les chevaux. Cerisy, mais quand même, virgule. Quand même quoi? Ah, Cerisy, mais quand même. Ça fait partie du mystère. Et alors ça commence plutôt piano, et puis petit à petit ça s'ancre. Vous verrez, la musique s'ancre, elle s'ancre de plus en plus, elle devient de plus en plus volumineuse au niveau sonore, et ça monte dans l'aigu, et à la fin, les trois voix se mêlent totalement, et les notes sont tenues dans l'aigu indéfiniment, on a l'impression que le temps s'arrête, et c'est justement l'enchantement. La cloche intérieure. Vas-y. Ah, dedans ? Ah bah, dedans. Si tu veux des gens, c'est ici, hein. Ouais, tu es prêt ? Je suis prêt. Ah, Cerisy, mais quand même, un peu d'illusion dans cette façon de dévoiler l'enchantement, l'illusion nécessaire pour pouvoir s'enchanter à nouveau. Et alors, il lui a dit, non, mais t'inquiète pas, il a posé des très mauvaises questions, mais c'est clair. Il est obligé de faire ça parce qu'il doit passer un concours. Alors, l'enchantement qui revient. On arrive enfin à la fin de mon exposé et au thème de mon exposé. Goûter son tasté. Ça, c'est une présence qui m'a un peu surpris. Une deuxième, on vient encore de l'entendre, c'est l'ingénieur de l'enchantement. Il y a la bouche en cœur. des confirmations. Les confirmations, c'est que quand même l'enchantement, ça marche. Ça marche. Pourquoi ? C'est ces concepts sensibilisants, c'est ces concepts qui arrivent à capter des choses et à les assembler. Et qui parviennent, au fond, à faire voir plus et plus loin. Alors, ce qui est pour moi aussi une confirmation qui m'a fait plaisir, c'est qu'à un moment donné, on s'est tous aperçus que nous devions passer par d'autres modalités de rendu, que ce soit le film, que ce soit la photo, que ce soit le son, que ce soit le récit, que ce soit le conte, mais qu'on ne pouvait plus rester dans un strict registre académique, universitaire. Hein. Et c'est très bien comme ça. Et on a vu là un déploiement de propositions, même du style performantiel, si on peut dire ça. Ça m'a bien fait plaisir. Ensuite, des surprises, plus long. Les surprises face à des présences récurrentes. Donc ça a l'air de marcher, c'est quand tu veux. Cerise, mais quand même. Pour moi, c'est assez spécifique parce que je serai là pour 2 mois. Donc c'est une autre aventure que ceux qui passent une semaine et partent. Et donc ce sera comme un chez moi, disons, pour de bon. Et le fait de voir les gens venir et partir, enfin, ça crée des affections. Et donc ça en lui-même, c'est un enchantement, je pense. Et enfin, je rencontre plein de gens d'un peu partout du monde. Je déjeune avec eux, je dîne avec eux, on fait des soirées, on joue au ping-pong. Et après, un mardi, ils partent comme ça. C'est un peu le désenchantement, mais bon. Je me dis, après quelques jours, il y en aura d'autres et je vais rencontrer d'autres. Et donc, ça va créer... Non, c'est intéressant, puisque bien sûr, dans tout ce que c'est... Tout ce que c'est rituel, il y a du chant, il y a de la voix, il y a de la répétition. Voilà. Et après, il y a bien sûr le cadre du château, mais je pense que ça, dès que la personne met ses pieds ici, elle s'en rend compte et que ça nous frappe immédiatement. Et 3, des questions, propositions. Oserais-je dire scientifiques, en tout cas, sociologiques. Et de voir émerger une autre sociologie, qui ne brise pas les rêves. Ça m'a vraiment surpris. Et je me dis, là, il faut que je réfléchisse, là. Il y a quelque chose pour moi. Et ça s'ouvre. Il faut quelqu'un pour ouvrir. Est-ce un ingénieur? Est-ce un enchanteur? Est-ce un intercesseur? Est-ce un médium, tout simplement? Et ça veut dire aussi que... On peut essayer de répondre, il me semble, à la question qui était posée dans ce colloque, qui était qu'est-ce que ça veut dire de dire... un enchantement qui revient. Voilà. Donc ça sera la seule proposition théorique de tout l'exposé, c'est de dire qu'une société enchantée, bon, c'est une société où les catégories ontologiques ordinaires ne sont pas complètement fiables, où ce manque de fiabilité ontologique invite à développer des formes d'acuité spécifiques, et où ces formes d'acuité spécifiques contribuent à créer un milieu de potentialité et de contraintes que je vais essayer d'illustrer maintenant. Cerise, mais quand même. Accepter de... Je le refais. Tu veux bien ? Il me disait : je crois que j'ai tourné tout ce dont j'ai besoin. Je crois que tout est là. Évidemment, je n'ai rien vu. Je ne le verrai plus tard. Je dois faire confiance à ma sensation. Tu me dis ? Quand tu veux. Cerise, mais quand même, c'est accepter de s'extraire du monde. C'est accepter de s'imprégner de ce monde. Et finalement, c'est accepter d'en partir. On est prêt. Allez. Pria. Nada. Olivier. Chef. Oui. Yves. Fabrice. Nani. Alex. Allez. Chantal. Sylvain. Denis. Yves. Parti. Laurent. Axel. Nicolas. Sylvie. Jules. Marc. J'ai l'impression qu'on a fait une minute de silence pour notre colloque. Mais quand même. Mais tiens, qu'est-ce qui s'est passé là? Ça va?